En faisant croire à Rosine que Lindor se joue d'elle et lui est infidèle, Bartolo obtient son consentement pour leur mariage. Rosine lui révèle en outre que cette nuit même, Figaro et Lindor devaient l'enlever. Pendant que Bartolo va chercher de l'aide auprès de la police, Figaro et le comte entrent comme prévu par une fenêtre dont ils avaient volé la clé. Après une courte scène de dépit amoureux qui permet au comte de dévoiler à Rosine sa véritable identité, les deux amants se réconcilient et sont unis par le notaire même que Basile était allé chercher et qui devait présider au mariage de Rosine avec son tuteur Bartolo. Quand celui-ci revient, avec la police, sa pupille est désormais la comtesse Almaviva. Et comme Bartolo se lamente de s'être perdu faute de soins, Figaro réplique pour conclure la pièce: quand la jeunesse et l'amour sont d'accord pour tromper un vieillard, tout ce qu'il fait pour l'empêcher peut bien s'appeler à bon droit la précaution inutile.